Chapitre 6e. Malheur et désespoir de Plénoche. Comment le valet champignon le détourne de se tuer. Tout n'est jamais perdu pour un amoureux. En arrivant à Paris, M. Quatre-Sous fit appeler Berthamon et le présenta sur le champ à sa fille en disant que c'était là le mari qu'elle aurait, à moins qu'elle ne préférât vivre et mourir vierge. La demoiselle fit une moue dédaigneuse en regardant le prétendu des pieds à la tête et lui demanda si ce n'était point lui qu'on nommait par sobriquet Plume d'Oie. « Il est vrai, » répondit le galant. « Ce surnom m'a été donné parce que je fais plus de besogne moi seul que tous mes confrères ensemble. Je m'en ris et n'en gagne pas moins mes 10 000 livres, bon an, mal an. Et moi, monsieur, je me ris de vos 10 000 livres. Je vous déclare que j'ai donné mon cœur à un autre. » « Ce sont propos de fillettes en colère, » interrompit monsieur l'auditeur. « N'y prenez pas garde, monsieur Berthamon. Et ne laissez pas de faire votre cour. La mignonne s'adoucira. Elle rendra justice à vos bonnes qualités, et son cœur vous reviendra tout naturellement, lorsqu'elle ne verra plus ce muguet farci de rubans qui l'a ensorcelé. » Mademoiselle a vécu parmi les petits maîtres de monsieur le prince, reprit Berthamon en ricanant. Nous ne savons pas tourner comme eux les fadaises de roman, ni jeter les hauts cris pour un madrigal. Nous ne savons pas mettre l'épée au poing pour un oui ou pour un non, et singer les héros d'Amadis. Mais nous ne vendons point nos châteaux pour les convertir en habits brodés. Nous n'avons pas le luxe sur les épaules et la misère au logis. Nous tenons de bons morceaux sonnants dans nos buffets, et ne craignons point l'avenir. Nous laissons à nos enfants une profession avec de l'argent, et non pas une rapière pour tout bien, avec leur chemin à faire. Vous avez donc envie d'être duchesse, mademoiselle ? Mon Dieu ! S'écria la pucelle qui perdait patience. Je sais bien que le tabouret n'est pas fait pour moi. Mais donc une si grande ambition que de ne pas vouloir un mari aussi mal bâti que vous l'êtes. Il faut, monsieur, pour être une honnête femme, qu'on ait de l'estime pour son époux. Or, je ne doute pas que vous ne demandiez ma main à cause du bien que possède mon père, puisque j'en aime un autre que vous. D'ailleurs, votre personne et votre esprit me sont déplaisants. Si vous continuez à me vouloir épouser malgré ce que je vous dis là, j'en aurai plus mauvaise opinion de vous. Je suis votre servante, monsieur, et je vous déclare que je vous verrai le moins qu'il me sera possible. » Mademoiselle Quatre-Sous rentra dans sa chambre sans écouter les ordres de son père, qui la voulait retenir. « Nous n'avons pas trop bien réussi pour le premier jour, » dit monsieur l'auditeur, « mais les choses iront mieux demain. Revenez dîner avec nous et tenez ferme. Il serait étrange qu'avec mon agrément et tout le loisir désirable d'entretenir ma fille, vous ne vinssiez point au bout de lui plaire. » Berthamon revint assidûment dans la maison et continua son jeu maladroit, de tourner en dérision la jeunesse de Coulommiers, en sorte qu'il n'était guère plus avancé dans les bonnes grâces de sa prétendue le 4e jour que le 1er. Au bout de ce temps, on eut avis que Plénoche était arrivé à Paris. Le chevalier, avec sa sagesse accoutumée, voulait tout d'abord couper la gorge à Berthamon, battre Montanglos et forcer le logis de M. Quatre-Sous. Mais on lui représenta que ce n'était point là le moyen d'obtenir une fille que d'assommer ses parents. M. de Longueville avait fait donner à Plénoche sa promesse de mariage par le père gardien des Capucins. Des gens de chicane, qu'il s'en alla visiter, lui promirent de tirer bon parti de cette pièce. La demoiselle n'étant pas encore majeure, sa signature n'avait pas grand poids, mais celle de la mère était chose de conséquence. On fit une opposition en bonne forme au mariage avec M. Berthamon, et puis les parties convinrent entre elles de choisir des arbitres qui jugeraient le cas sans qu'on pût revenir sur l'arrêt. Pendant 8 jours que durèrent ces délibérations, Mademoiselle de Longueville fit écrire par le duc son père à tous les arbitres pour leur recommander les intérêts de son protégé. C'étaient des gens de robe, mais jaloux de monsieur l'auditeur à cause de sa morgue. Leur arrêt condamna le père à payer au chevalier de Plénoche la somme de 4 000 livres, à moins qu'il n'eût voulu lui donner sa fille. « Vertu Dieu ! » s'écria notre auditeur, « 4 000 livres pour avoir la permission de marier ma fille à qui mon me semble. Je ne donnerai pas seulement un quart d'écu. J'aime mieux qu'elle reste hier jusqu'à sa mort. » Cependant, mademoiselle de Longueville, qui ne voyait le plus ordinairement en toute chose que des matières à se divertir, écrivit une lettre de félicitations à Plénoche, en le priant de faire instance pour qu'on lui donnât ses 4 000 livres, ou la demoiselle promise, afin, disait-elle, de tâcher que le dépit rendît encore plus comique la figure du vieux Robin. Le chevalier trouva un sergent qui dressa une sommation en bonne forme. La princesse eut bien ri. si elle eût pu voir la mine de M. Quatre Sous au moment où il lut cette sommation. Mais une méchante idée prit aussitôt naissance sous la perruque de M. l'auditeur, et du coup, les espérances de notre héros en furent terriblement endommagées. Le père Quatre Sous s'en alla montrer cette pièce à sa fille. « Voilà un bel amour que vous avez inspiré, ma chère enfant, » lui dit-il. « Votre chevalier demande ses 4000 livres et renonce à votre main pour ce prix-là. Il préfère encore à votre personne accompagnée d'une dot cette somme ronde sans mariage. Tous ces hommes ne songent qu'à l'argent. Avec une douzaine de filles ainsi séduites, le cavalier se fera bientôt une fortune. Vertamont est plus généreux que lui, car il payera volontiers pour vous épouser ce que votre amoureux réclame. » Monsieur l'auditeur, ayant mis sous les yeux de sa fille la sommation de Plénoche, vint à bout sans peine de lui faire envisager la chose de ce vilain côté. L'ignorance de notre héroïne en matière de chicane rendait cette supercherie facile à un vieux retors comme il l'était. La pauvre petite en devint toute pâle et se mit à pleurer. « Ne te désole point, mamie, » lui dit Monsieur Quatre Sous. « Tu sauras, par l'expérience, que l'amour de l'argent est au fond de tous les cœurs, et qu'ils ne s'en font point fier aux tendres discours des jeunes gens. La vie est pleine de ces tromperies. Je te donnerai un honnête mari qui t'aimera pour toi et non pour tes écus. Si ce n'est Vertamont, ce sera un autre pour qui tu n'auras point de répugnance et que nous choisirons ensemble. » « Si M. Plénoche est indigne de moi, » répondit la demoiselle en redoublant ses pleurs, « il m'importe peu d'avoir M. Vertamont ou tout autre pour mari. » N'omettons pas de dire en passant que cette réponse prouve la grande innocence de Mademoiselle Quatre Sous. Les jeunes filles ne parleraient pas de la sorte si on leur apprenait bien quelle chose est le mariage, quels sont les droits de l'époux, et jusqu'à quel point elles donnent leur personne et leur liberté. Mais la plupart, ne le sachant que le lendemain des noces, reconnaissent trop tard qu'elles ont agi à l'aveugle. Monsieur Quatre Sous, se croyant en peine de réussir, courut chez Vertamont et lui conta ses malices. « À présent, lui dit-il, pour achever de gagner l'estime de ma fille, il vous faut payer noblement les 4000 livres. »« Ouais, » dit Vertamont en devenant jaune comme un louis d'or. « Ce n'est point ma faute si votre femme m'a fait la sottise de signer une promesse. C'est à vous de payer. »« Est-ce que vous n'épouseriez pas bien ma fille pour 4000 livres de moins ?» Vertamont resta quoi devant cet argument. Mais en retrouvant le fil de ses idées, il riposta par un argument aussi beau. « J'épouserais en effet votre fille si elle avait 4000 livres de moins. Mais comme vous ne la pouvez marier à personne sans donner cette somme à M. Plénoche, en supposant que nous ne puissions pas nous accorder, vous seriez de même obligé de payer pour prendre un autre gendre. C'est donc bien à vous qu'il appartient de lâcher l'argent. »« Fort bien, » répliqua le père, « mais je ferai de même à un autre gendre la condition de payer pour avoir ma fille. Ainsi votre excuse ne vaut rien. Mais je n'ai pas d'argent. Je vous en ferai prêter. Au diable, cela me coûtera des intérêts. Vous êtes un vilain, monsieur Vertamont. Et vous un avaricieux, monsieur Quatre Sous. » Après d'autres propos galants de gendre à beau-père, ils tombèrent enfin d'accord. Monsieur l'auditeur promit de donner un présent de 600 livres au premier enfant qu'aurait sa fille, et Vertamont consentit à payer les dommages-intérêts. Il en alla parler à sa prétendue en homme sans délicatesse, mais notre héroïne, plus touchée de son malheur que de tout le reste, n'y prit pas garde et consentit à signer le contrat. Plénoche était un matin enfermé chez lui. Il s'ennuyait de ne pouvoir pénétrer auprès de sa maîtresse et de n'en avoir aucune nouvelle. Un projet d'enlèvement commençait à lui bien mûrir dans l'esprit lorsqu'il reçut la visite d'un laquais noir qui lui apportait 4000 livres. « Qu'est-ce ceci ? » dit-il en changeant de visage. « C'est l'argent que vous avez demandé, monsieur le chevalier. Mon maître, le conseiller Vertamont, vous l'envoie et vous prie d'en donner quittance. »« Quittance ? 4000 livres ? » reprit Plénoche effrayé. « Il va donc épouser mademoiselle Quatre Sous ?»« La chose est faite, monsieur. On a célébré le mariage ce matin, à Saint-Germain-des-Prés. » À ces mots, Plénoche prit ses armes, enfonça son chapeau sur ses yeux et sortit sans écouter le laquais de Vertamont ni les cris de son balai champignon qui voyait bien le désespoir où il était. Dans son premier transport, notre héros voulait courir auprès de son infidèle pour l'accabler de reproches. C'est le besoin le plus pressant d'un amant abandonné. Mais il paraît que ses idées se brouillèrent en chemin, car il se trouva au bout d'une heure, dans la campagne, au bord de la rivière, sans savoir comment il y était venu. « Puisque le ciel m'a conduit ici, C'est la preuve qu'il faut que je finisse mes jours dans cette eau, dit-il. Je vais me faire sauter la cervelle avec un pistolet, en me jetant dans la rivière. Heureusement, il y avait en cet endroit quelques roseaux, et notre chevalier, qui voulait rendre le dernier soupir en un lieu net et propre, tira sa rapière pour rabattre les herbes. Pendant cette opération, son valet champignon accourut bien à propos. « Que faites-vous là, monsieur le chevalier ? » dit-il. « Je vais me tuer, » répondit Plénoche en continuant de faucher. « Vous tuez, monsieur le chevalier, et pourquoi, je vous prie ? De quelle utilité sera-ce pour vos amours ? Pour mes amours, il n'y a plus rien à faire. Je me veux donc détruire, n'ayant à espérer que des soucis en ce monde. » Le valet champignon employa les meilleurs raisonnements pour détourner son maître de ce dessein, mais voyant qu'il ne réussissait point, il s'avisa de lui donner une raison de fou qui ébranla Plénoche sur le champ. « Ce n'est point pour vous-même qu'il faut tuer, mais bien plutôt pour votre rival. Monsieur le chevalier, comment lui aurait donné de votre épée dans le ventre, votre maîtresse sera veuve ?» Notre héros cessa tout aussitôt de faucher en écoutant cela. « Elle sera veuve, » poursuivit Champignon, « et partant, libre de vous épouser. D'ailleurs, il n'est point douteux qu'on ait employé des supercheries, peut-être la violence, pour la marier à ce pince-maille de conseiller. Il sera toujours assez tôt pour vous faire enterrer, quand vous aurez éclairci la chose, et j'ai peine à comprendre qu'un gentilhomme de votre mérite cède ainsi la place à un ladre en robin, sans lui rompre seulement une côte ou deux. « Tu as perdu raison, » répondit le chevalier. « Je veux soulager ma douleur en cassant les épaules à ce Bertamon. Retournons à Paris et faisons résistance contre le malheur. J'étais un grand ingrat de me vouloir tuer, car il me reste encore des ressources et l'amitié de mademoiselle de Longueville qui aurait eu du chagrin de ma mort. » Avant de rentrer dans la ville, Plénoche exhala quelques plaintes qui eussent fait honneur au berger extravagant. Puis il reprit son humeur naturelle et songea au moyen de s'expliquer avec son infidèle. On ne doit point s'étonner que dans sa cruelle situation, il lui soit passé des chimères par l'esprit. Mais du moins, il fit trêve aux gémissements et se prépara mûrement et un homme de bon sens à commettre des folies. « Il me vient une excellente idée, » dit-il à son valet. « Non seulement je puis assommer Vertamon, mais je n'ai pas encore l'espoir de lui planter des cornes comme il le mérite. J'avais dessein d'enlever ma maîtresse, rien ne m'oblige à y renoncer. Je la retirerai à son mari et nous irons vivre ensemble chez les Allemands. « Prenez garde, monsieur, » dit le valet. « C'est un cas être pendu que de voler la femme d'un autre. Et puisque j'allais me faire sauter la cervelle, je n'ai rien de pire à craindre. » Le premier soin de Plénoche fut d'envoyer Champignon jaser avec les gens de M. Vertamon pour reconnaître les habitudes de la maison et recueillir les bruits publics sur la façon dont le mariage s'était fait. Son dépit fut extrême lorsqu'il apprit la ruse de M. Quatre-Sous et la méchante idée qu'on avait donnée de lui à sa belle. Il n'est pas de persévérance comparable à celle d'un amant qui s'est mis en tête un projet. Plénoche se posa un matin en faction devant le logis de Vertamon, résolu à n'en bouger de tout le jour. Le conseiller sortit sur le midi pour aller à ses affaires. « Monsieur, » lui dit notre héros en l'abordant avec civilité, « vous m'avez noirci dans l'opinion de votre femme d'une manière lâche et honteuse. Il se peut que vous fussiez aussi amoureux d'elle que je le suis, et que toutes les voies vous soient bonnes pour arriver à vos fins. Mais à présent que vous avez gagné la partie contre moi, je prétends faire savoir à votre femme que je ne méritais point de perdre son estime. C'est assez pour moi de l'avoir mariée à un autre, sans qu'elle me méprise encore. Veuillez donc m'apprendre à quel moment il vous plaira de me donner accès auprès de Madame Vertamon. Ma femme n'est point de la cour, monsieur. Elle ne veut voir que les personnes de sa condition. Nous ne sommes pas dignes de recevoir des gentilshommes de votre qualité. Ne raillons pas, monsieur, je vous prie. Vous m'avez entendu. Quand faut-il que je me présente chez vous ? À la Chandeleur, monsieur le chevalier. À la Chandeleur ou aux Vendanges. J'aurais désiré, monsieur, m'expliquer avec Madame Vertamon, avant que de démêler mes comptes avec vous. Mais puisque vous me refusez ce plaisir, je commencerai donc par ceux qui vous regardent. Nous aurons, s'il vous plaît, à nous couper la gorge au soleil de demain. Au diable, je n'ai point envie de me faire couper la gorge. Je m'en doutais. Que vous étiez tout ensemble un traître, un menteur et un poltron, monsieur Vertamon. Mais je saurais bien vous contraindre à tirer l'épée. « Faites provision de patience, car je vous en ferai souffrir de toutes les façons. » Je me battrai avec mes armes, monsieur Plénoche, c'est-à-dire la plume en main, avec les procureurs pour second. Ah, vous ne riez plus, lorsqu'il s'agit de votre peau, monsieur le plaisant. C'est pourtant bien de l'honneur que je vous fais, de vouloir croiser le fer avec un pied plat comme vous, monsieur de l'écritoire. Tant d'honneur ne m'est point nécessaire, monsieur de la bourse vide. Je vous aurais déjà donné des coups de bâton si je ne respectais le nom que porte votre femme, monsieur de l'écu rognier. Un bon procès vous mettrait à la raison, monsieur de la poche percée. Je me moque de la chicane, monsieur du parchemin. Et moi, des voies de fait, monsieur de l'expédient. Ne vous en prenez qu'à vous-même, de ce qui vous arrivera, monsieur de la main crochue. Ma femme sera bien gardée, monsieur du crédit perdu. Pas assez bien que je ne vous fasse une paire de cornes, monsieur de la petite semaine. C'est ce qu'on verra, monsieur de l'industrie. Au revoir donc, monsieur de l'usure, serviteur, monsieur de la dette criarde. Il ne tel, comme on sait, qu'un avare qui se met en frais pour ouvrir largement sa bourse. Monsieur Vertamont, averti des intentions du chevalier, assembla ses valets et leur fit une belle distribution d'argent pour les exhorter à bien garder la maison. Plénoche leur fut signalé afin qu'on lui montre un visage de bois s'il venait à paraître. Mais les domestiques de tout temps ont eu l'intelligence épaisse, comme disait Madame de Rambouillet. Le soir même du jour où il s'était querellé avec notre héros, au milieu de la rue, M. Vertamont conduisit sa femme à la Comédie. En arrivant à l'hôtel de Bourgogne, le mari descendit le premier de son carrosse de louage. Plénoche, qui se trouvait là, mit aussitôt la tête à l'autre portière. « Madame, c'est un grand sujet de désespoir pour moi que votre infidélité. J'aurais déjà mis fin à ma triste vie si je ne savais qu'on m'a dépeint à vos yeux sous de vilaines couleurs. Une fois que j'aurais pu vous parler pendant une heure et vous prouver combien on m'a calomnié, je mourrais satisfait. « Venez donc, ma chère, » criait Vertamont, « ne voyez-vous pas que je vous attends ?»« Hélas, » répondit la dame au chevalier, « j'ai déjà mille raisons de regretter ce que j'ai fait. Je suis coupable envers vous, mais le ciel m'en punit sévèrement. Vous êtes bien vengé du mal que je vous ai causé. »« Holà, madame la conseillère, » criait le mari, « est-ce que vous dormez ?»« Je vous aime encore trop à cette heure, » reprit Plénoche, « pour souhaiter de me venger. Puissiez-vous être heureuse loin de moi ?» « Voyons un peu si elle bougera de place, » dit Vertamont. « Heureuse, » reprit la dame, « ce n'est pas possible, chevalier. »« À qui donc parlez-vous ? » demanda le mari. « Ah, » reprit Plénoche, « ma peine serait moins amère si je savais du moins que vous n'avez pas donné votre cœur à un autre. »« Corbleu !» s'écria Vertamont. « Êtes-vous folle de me laisser ainsi les pieds dans la boue ?»« Mon cœur ne sera jamais à personne. » Le mari perdit patience, il remonta dans le carrosse, et mettant le nez à l'autre portière, il se trouva en face de Plénoche. « C'est donc pour causer avec ce galant que vous me faites faire le pied de grue ? » dit-il avec colère. « Eh bien, vous ne verrez point la comédie, madame. » Vertamont donna l'ordre à ses gens de retourner à son logis. Au moment où le carrosse partait, Plénoche, mettant un louis dans la main du valet, monta derrière. Il entra ainsi jusque dans la cour de monsieur le conseiller. Le mari allait descendre lorsqu'il aperçut encore le visage du chevalier à la portière. « Mais c'est donc un diable rouge ? » s'écria-t-il. « Je n'ai pas fini, madame, » dit Plénoche. « Sachez que, malgré votre manque de foi, malgré tous les maris du monde et les sujets que je devrais avoir de vous haïr, je ne renoncerai jamais au bonheur de vous plaire et de vous posséder. » Tandis que Vertamont s'élançait au dehors pour obliger Plénoche à sortir, notre héros saisit la main de madame la conseillère et la couvrit de baisers, puis il se retira, plus heureux dans son cœur qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Vertamont le rejoignit comme il allait passer le seuil de la porte cochère. « Chevalier Borien, » dit-il en fureur, « je te veux étrangler de mes mains. » Il allait peut-être sauter à la gorge de son ennemi, si Plénoche, reculant d'un pas, ne levait sa canne en l'air sans montrer d'émotion. Notre chevalier sortit fièrement et laissa tomber de sa bouche ce mot terrible qui glaça le robin jusqu'au fond de l'âme. « Vertamont, j'ai l'assurance qu'avant 8 jours, tu seras cocu. »